Chapitre 63. La concurrence dans les œuvres en vue de l'au-delà et la multiplication de ce qui est source de bénédiction. Allah Ta'ala dit: que ceux qui convoitent ceci entrent en compétition pour l'acquérir. Sourate 83, verset 26. 569. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, on offrit à boire au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui en but une partie. À sa droite se trouvait un garçon, ibn Abbas, et à sa gauche, des personnes âgées. Il dit, alayhi salatu wassalam, au garçon. Le garçon répondit: non, par Allah, ô messager d'Allah, je ne ferai jamais passer quelqu'un avant moi dans ce qui vient de toi. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui tendit alors le reste de la boisson. Al-Bukhari et Muslim. 570. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: alors que Job, le prophète Ayyub, alayhi salam, était nu, en train de se laver, des pièces d'or, comme des sauterelles, tombèrent sur lui. Il se mit alors à ramasser l'or et à le mettre dans ses vêtements. Son Seigneur, Azza wa Jal, l'interpella: ô Job, ne t'ai-je pas accordé de quoi te passer de ce que tu vois? Job, alayhi salam, répondit: si, par ta puissance, mais je ne peux me passer de tes bénédictions. Al-Bukhari.